Chapitre 12e, le sang parle. Mon cher enfant, tu m'as promis d'attendre, n'est-ce pas? Tu es un gentilhomme, tu tiendras ta promesse. Ah, Gévry, que c'est dur! Comme je regrette de m'être laissé aller à te faire un pareil serment. Bah, tu n'es pas si pressé que tu ne puisses attendre un mois. Si dans un mois tu es encore aussi las de la vie et aussi décidé à te tuer, je te laisserai faire, mon ami. Mais pendant un mois, tu m'appartiens. Hervé et Roselin, cette nuit-là, se promenaient sur la grande route. Ils sortaient aussi, précautionneusement, tous les soirs, Pourréal étant contraint de rester caché durant le jour. Tout en marchant, ils s'étaient approchés du cimetière, dont un vent léger agitait les arbres endeuillés de nuit. Hervé tressaillit tout à coup et s'arrêta. « Gévry, hein ? Écoute. Quoi ? On a appelé par là. Allons, allons, pit Belcoeur en riant. Tu rêves, mon ami. On appelle, je te dis. » C'est le vent dans les feuilles. Mais non, écoute donc, des gémissements. » Roselin, condescendant, prêta l'oreille. « Tu as raison, » convint-il, « on se plaint faiblement. Et comme je ne crois pas au revenant, c'est donc quelqu'un qui a besoin de secours. Viens voir. » Ils franchirent le fossé de la route et pénétrèrent dans un champ en friche qui bordait le lieu de repos. Les gémissements leur parvinrent très distincts et tout proches. « Tiens, là !» s'exclama Hervé. Quelqu'un qui se traîne à terre, je vois. » En quelques secondes, ils étaient parvenus au point où un être étendu sur le sol rampait lentement vers la route en appelant « À moi !»« Qu'avez-vous ? » fit Roselin. « Je meurs. On m'a assassiné. »« Oh ! » s'écria Hervé. Ils s'approchèrent de l'homme. Gévry demanda « Qui êtes-vous, monsieur ?» L'homme ne répondit pas. Gévry voulut le soulever. L'inconnu était mort. Il venait de succomber, emportant le secret du drame. À ce moment, le rideau de nuages qui cachait le ciel opaque se déchira. La lune apparut, versant sur la terre sa lumière pâle et glacée, éclairant le visage de l'homme, découvrant du sang autour de lui. À ses pieds, quelque chose de blanc se détachait. « Un parchemin, » dit Gévry. « Mais il y a des mots écrits, écrits avec du sang. » « Voyons, » fit Hervé, étrangement ému. Au rayon de la lune, ils déchiffrèrent. « Mauvillier m'a assassiné. » Après m'avoir volé. Oh, est-ce possible ? Murmura Pourréal comme en un rêve. C'est même certain, mon ami, répondit Belcoeur. On ne ment pas quand on va mourir. Mais il faut savoir qui est ce malheureux. Attends. Déjà le baron ouvrait le pourpoint. Il en tira une enveloppe de cuir contenant des papiers. Là, dit-il, est l'explication que tu souhaites. Cette explication fut telle qu'après n'avoir pris connaissance, Gévry et Pourréal, au comble de l'émotion, envoyaient Sulpice à cheval pour les vérifier à Saint-Orens, sur les registres de la paroisse, la date de la naissance de Violaine de Mauvillier. Pendant ce temps, Honoré et les autres allaient chercher le cadavre du comte Pierre de Trailles. Le lendemain matin, Sulpice revenait à la petite maison. Belcoeur l'attendait, anxieux, et le chevalier de Pourréal, au bruit du galop du cheval, accourut lui aussi sous d'un pâle d'attente et d'angoisse. « Eh bien » questionnèrent-ils ensemble. « Eh bien, demoiselle Violaine Iseux de Mauvillier est née à Saint-Orens le 7 octobre 1568. »« Violaine de Mauvillier, dis-tu » insista Hervé. « Oui, messire, c'est sous ce nom qu'elle est inscrite sur les registres de la paroisse. »« Parbleu, c'est qu'à Roselin, il n'y a pas de doute. » Le sieur de Briancourt étant parti de son château en novembre 1567, ayant eu 10 mois d'absence, l'enfant né au début d'octobre 1568 ne pouvait lui être imputé. D'ailleurs, ajouta Sulpice, son acte de naissance marque, fille du sire Urbain de Mauvillier, etc., etc., et de mère inconnue. Évidemment, fit Gévry, Christine a dû faire des couches clandestines. Après la mort de son mari, la veuve de Ludovic de Briancourt avait affiché une douleur inconsolable, menant une vie retirée et solitaire dans son château de Saint-Orens. Les gens ont pu croire à un deuil austère. Elle cachait simplement sa situation. « Enfin, » murmura Hervé, très agité, « à votre avis ?»« Il n'y a aucun doute. Violaine est la fille de Christine de Vienne. Son père n'est pas Louis de Briancourt. Elle n'est pas davantage la fille de ce misérable urbain, quoique portant son nom. Nous savons que son père est ce malheureux comte de Trailles. Donc, ni du côté paternel, ni du côté maternel, Violaine n'a du sang de Briancourt dans les veines. Elle ne vous est rien, Hervé, absolument rien, et j'en suis bien heureux. « Mon Dieu, si c'était vrai !» balbutia Hervé, éperdu. « Et que voilà un drôle de corps !» Il y a quelques heures, il me suppliait de le laisser se tuer parce qu'il se croyait le frère de demoiselle Violaine. Et à présent, malgré toutes les preuves, il ne veut plus démordre de cette belle idée. « Roselin !» fit Pont-Réal avec reproche. « Pardieu !» continua le baron. « Je connais dans un couvent de Muret une belle et douce enfant qui serait aux anges si l'on venait lui donner de pareilles assurances. » Ah, elle ne serait pas longue à comprendre et à se réjouir, elle. Je n'ose croire, mon bon Givry, que je puisse être encore susceptible d'espoir, de joie, de confiance. J'ai peur. Je ne sais pourquoi mon cœur a désappris la foi en le bonheur. Bah, ce n'est rien, fit Belcoeur. La jeune personne dont je vous parlais précisément saura fort bien vous redonner cette foi. Le tout est de la prévenir. Vous croyez, Roselin? J'ai besoin de vous l'entendre dire. J'en suis sûr, déclara Givry avec bonhomie. « Allons, ce soir même, nous partirons pour Muret et nous irons voir demoiselle Violaine dans son cloître. J'ai idée que nous serons les bienvenus. Ce soir ?» se récria Hervé avec un ton de déception. « Pourquoi si tard? Ne pourrions-nous partir incontinent ?»« Non, » répondit gravement Givry. « J'ai affaire à Toulouse ce matin. Et d'ailleurs, mon ami, tu oublies que le pauvre comte est là, à côté, raidi sur sa couche funèbre. Ne faut-il pas le veiller ?» Nous devons tenir compagnie à sa dépouille terrestre et prier pour le repos de son âme. N'est-ce pas à lui que tu dois la vérité? Cette vérité payée de sa vie. Pardon, interrompit vivement Pont-Réal. Vous avez raison, comme toujours, Givry. Allez à Toulouse. Je resterai au chevet de monsieur de Trailles. À ce soir. Roselin s'éloigna. Il donna à Sulpice l'ordre de sceller Lucine et vaqua sa toilette qu'il voulait élégante, comme toujours. Puis, une demi-heure après, aussi frais et dispo que s'il n'avait pas passé une nuit blanche, le capitaine sauta en selle et partit sur la route de Toulouse. Il se rendit droit à l'hôtellerie des Trois Rois Mages. La marraine et Daubigné venaient de se lever. Givry leur raconta les tragiques événements de la nuit précédente. Quand il eut fini, la marraine demanda « Alors Hervé va épouser sa Violaine ? Le voilà sauvé. » Ces deux êtres charmants méritaient le bonheur. « Ils l'auront, » déclara Roselin. Mais ce n'est pas tout que de savourer la félicité des innocents et des bons. Il faut punir les méchants. « Bien, Givry, » déclara Agrippa. « Que comptez-vous faire à présent ? Allez chercher Mauvilliers, forcez la bête en sa tanière. Je vous accompagne. Merci, mon ami. La marraine me suffira. Je vous prie d'aller retrouver Hervé et de tenir avec lui compagnie à ce vaillant, ce noble et malheureux de Trailles. » La marraine fut auprès. Lorsqu'ils heurtèrent à la porte de la demeure du lieutenant-gouverneur, un laquais ouvrit, s'enquit de ce qu'il désirait. « Dis à ton maître, répondit Roselin, que le baron de Givry veut l'entretenir sur le champ. Et dis à ta maîtresse, fit Guillaume, que le chevalier de la Varenne désire lui parler sans retard pour affaires d'importance. » Le valet, intimidé, s'éclipsa aussitôt après les avoir fait entrer dans une antichambre. Un autre domestique apparut et pria Roselin de le suivre dans le cabinet de travail de Mauvilliers. La pièce était vide. Givry, debout, considérait les objets d'art qui garnissaient les murailles lorsqu'une tenture se souleva et Urbain parut. « Ah, le baron de Givry » s'écria-t-il avec cordialité. « Voilà une agréable surprise !» Il tendait la main. Belcoeur, sans la toucher, répondit dédaigneux. « Je ne peux croire à ces paroles, monsieur. Et vous-même, si vous saviez ce que je viens faire ici, en prononceriez d'autres. Je ne vous comprends pas. » balbutia Urbain qui perdait sa feinte assurance. « Que voulez-vous dire ? Que venez-vous faire ici ? Vous tuer, monsieur, répondit froidement Roselin. Me tuer ? Vous plaisantez ? S'écria Mauvilliers, une lueur d'effroi dans les yeux et le front soudain livide. J'ai dit vous tuer, scanda Givry. Je n'ai pas dit vous assassiner, pratique qui vous est familière. Monsieur, s'exclama Urbain, hors de lui, vous oubliez à qui vous parlez ? Non, monsieur le lieutenant-gouverneur, mais vous avez la mémoire courte. Ou bien nous ne parlons pas la même langue. Comment appelez-vous l'acte que vous avez commis cette nuit même sur la personne du comte de Trailles ? À ce nom, Urbain devint plus blême encore. Il fit un pas en avant comme pour se jeter sur Roselin, mais le regard fixe et froid du capitaine Belcoeur l'arrêta net. « En vérité, monsieur, dit-il, je ne sais ce que vous voulez dire. Ou vous êtes fou, ou vous venez ici avec des intentions hostiles et pour me chercher une mauvaise querelle. Monsieur, dit Roselin du même ton, vous avez tort de ruser. Vous voyez bien que je sais tout. Vos crimes, Oh, il peut en être que j'ignore, mais je connais assez pour vous faire pendre, rouer et décapiter 20 fois. Vous m'insultez, décidément. Allons donc, chacun selon ses œuvres, messire de Mobilier, et je m'emploie à rendre justice aux vôtres. Je suis ici pour mettre fin à vos exploits. Oui, monsieur, le comte de Trailles aura été votre dernière victime. Après Hervé, après le sire de Briancourt et tant d'autres. Monsieur, déclara posément Urbain, qui, devant la gravité du péril, s'était ressaisi, je vous déclare pour la dernière fois que je ne vous comprends pas. Monsieur de Trailles, si c'est de celui-là que vous me parlez, est mort depuis longtemps et je n'ai pas eu à le tuer ni à l'assassiner, j'imagine. Eh bien, fit sardoniquement Roselin, soit, nous allons tirer cela au clair. Veuillez m'accompagner à mon hôtellerie où se trouve précisément un homme qui dit être le comte Pierre de Trailles, et avoir reçu de vous hier soir, près du cimetière, un traître coup de poignard dans le dos qui l'a empêché de venir ici avec moi. Venez, monsieur le lieutenant-gouverneur. En passant, nous prendrons le prébôt et le lieutenant criminel de la province, car ce doigt-disant de Trailles m'a justement prié de les faire appeler. Il apparaît-il de très intéressantes révélations à leur faire. Urbain balbutia hagard. De Trailles ? Il est là-bas, il vit ? Eh oui, mon pauvre monsieur de Mobilier. Vous avez trop de confiance dans les coups que vous portez. D'habitude, n'est-ce pas, vous frappez mieux. Enfin, pour cette fois, vous avez manqué le compte, et c'est fâcheux pour vous. Malédiction. Bah, railla Roselin. Soyez beau joueur, messire. Le sort vous a favorisé pendant plus de 20 ans. Vous avez cru à votre étoile. La chance vous fait défaut, et il vous faut payer. Eh bien, payez, voilà tout. Urbain se dressa, la haine et la rage remplaçant maintenant la stupéfaction et la terreur. Que voulez-vous de moi ? Demanda-t-il âprement. Un duel, déclara Belcoeur. Volontiers. Les yeux de Mobilier lancèrent un éclair de satisfaction. Roselin l'aperçut et dit, nonchalant, j'entends, vous pensez que vous me tuerez et que votre secret, votre châtiment, périront avec moi. Encore à mes comptes, messire. Après moi, il vous faudra tuer monsieur de la Varenne, puis mon ami d'Aubigné, enfin ce cher Hervé que vous avez manqué une fois déjà. Sans compter, s'il se rétablit, ce vindicatif de Trailles. Je ne pense donc pas que vous en réchapperez. Mais c'est, il est vrai, la seule chance qui vous reste. Et même si je vous tue, ou si cela échoue à un de mes amis, vous pourrez vous estimer heureux de finir de l'épée d'un loyal gentilhomme plutôt que de la main du bourreau. Mobilier grinçait. Terminons-en, monsieur. Vous voulez vous battre ? Soit, suivez-moi, je vous prie. Belcoeur laissa le sire passer le premier, et derrière lui, traversa l'hôtel, arriva au jardin, s'engagea dans une allée de rosiers défleuris. Une cour d'arbres toujours verts entourait une petite place ronde au sol uni. « Ici, nous serons à merveille, » fit Urbain d'un ton décidé. « En effet, » approuva Belcoeur. « Alors, monsieur ?» Il avait tiré son épée, salué le sire qui lui aussi dégaina et se mit en garde. « Tiens, » s'écria Roselin, « il nous manquait justement des témoins et en voici deux qui s'avancent. » Mon ami la Varenne, le brave Godefroy. De la sorte, tout se passera dans les règles, n'est-il pas vrai ? Urbain jeta un regard vers l'allée par où arrivaient Guillaume et le vieux valet de Violaine. Il engagea le fer. Le duel commença. Roselin avait affaire à forte partie. Robuste et souple malgré son âge, le sire de Mobilier se révélait un véritable spadassin. Givry, dès les premiers chocs, devina un poignet vigoureux et résistant, des poumons endurcis et un œil observateur servi par un bras habile, agile, prompt à l'attaque, à la parade, à la riposte. Et ces constatations causèrent à Givry une véritable joie tant le capitaine Belcoeur était friand de la lame et aurait répugné à se mesurer contre un adversaire faible ou maladroit, si grand coquin qu'il fût. À une contre-carte dangereuse et qu'il évita par un magnifique sang-froid, Roselin s'écria « Ouais, monsieur, je vous félicite. Vous maniez admirablement l'épée, et je ne comprends plus que vous lui préférez le poison ou le poignard. Tudieu, avec une pareille force, peu de gens vous tiendraient tête, et vous pourriez envoyer au paradis tous ceux qui auraient la malchance de vous déplaire, sans que l'on eût le droit de vous traiter d'assassin. » Mobilier gronda un juron, et lança une attaque follement impétueuse. Vraiment, on eût dit que cet homme avait un poignet et un jarret de 20 ans. Belcoeur para encore le coup, essaya d'une feinte, lia l'épée en tierce, mais Urbain le déjoua. « Diable !» ricana Givry. « Cela devient sérieux. Maintenant, la partie m'intéresse fort. » Il y mettait en effet toute son ardeur, toute son habileté, toute sa science, toute son énergie. Mais en face de lui, on sentait une volonté frénétique bandée tout entière sur un seul but, tuer. Et le combat continua, acharné, sans que l'un ou l'autre des adversaires abandonnât un seul pouce de terrain, accusa le moindre signe de fatigue. Certes, Belcoeur était plus souple. Ses muscles, jeunes et exercés, étaient prestes, vifs, élastiques. Mais Urbain semblait un roc inébranlable. C'était l'homme dans la maturité de l'âge, dans la plénitude de sa force, dans toute la vigueur du corps. Et il avait en outre cet aiguillon de lutter pour se défendre d'un péril terrible, tomber là, où la mort infamante, le déshonneur public, l'expiation à la face de tous. Depuis 10 minutes au moins, le duel durait. Derrière le massif de verdure, la varenne et Godefroy regardaient anxieux. Roselin conservait toute la maîtrise de soi-même et la pure méthode de son jeu. Il était calme, il était confiant, il était précis et régulier, et la certitude de vaincre le soutenait, comme l'aile d'un aigle soutient son vol. Les attaques du Mauvillier devenaient pressées, s'affolaient. Soudain, sa pointe perça l'épaule gauche de Belcoeur assez profondément, mais le capitaine, sans s'interrompre une seule seconde, déclara « Une égratignure à peine. Je n'ai reçu une pareille en tout point, à Rome, il n'y a pas un mois. » Alors Mauvillier se sentit perdu. En effet, subitement, Roselin, le sentant à bout, passa à une succession rapide d'attaques hardies, de feintes, de dégagées, de passes, que l'on eût dit imprudentes, périlleuses même, mais qui avaient pour résultat d'effarer, de troubler, de dérouter l'adversaire sous les coups pleuvant sur lui sans répit, avec la promptitude de la foudre. Après une attaque basse, l'épée de Givril luisit soudain comme un éclair et s'enfonça profondément dans la gorge de Mauvillier. Celui-ci étendit les deux bras, lâcha son arme, demeura un moment debout, comme retenu par la lame de Roselin, et brusquement tomba en arrière tout de son long avec un râle sourd et rauque. Un flot de sang jaillit de la bouche entr'ouverte. Il était mort. La varenne et Godefroy accoururent, se penchèrent sur le corps étendu. « C'est fini !» déclara Guillaume. « Je le pense bien !» fit Givry. « Un coup pareil, il ne pouvait en réchapper. Enfin, celui-là cessait de nuire désormais. » « Oui, » prononça sombrement Guillaume, « j'ai tremblé longtemps pour toi, mon ami. Oh, si ce misérable t'avait tué. Bon, il y a un Dieu au ciel tout de même, » fit jovialement Belcoeur. « Sur ce, partons, maintenant que justice est faite. Ta blessure ?» demanda la varenne. « Rien, » fit Roselin insouciant, quoiqu'un peu pâle d'une souffrance qu'il comprimait. « Tu me penseras plus tard. Tu as eu Madame de Mauvillier ?»« Oui. Eh bien ?» Ah, murmura-t-il, celle-là se repent. Je l'ai trouvée minée par un remords obsédant, horrible. Elle a peur, elle attend le châtiment. Elle n'a que trop raison. La mort de son mari va lui sembler une punition du ciel. Mais tu lui as dit pour l'assassiner de cette nuit? Oui, et elle n'a rien nié. Trop faible pour parler beaucoup, trop bouleversée. Elle m'a seulement avoué l'essentiel. Violaine est bien la fille de Pierre de Trailles. Et pour Hervé? Voici ce que j'ai obtenu d'elle. Et la varenne, tirant un paquet de sa poche, lut « Moi, Christine de Vianne, épouse de Sire Urbain de Mauvillier, déclare que le chevalier Hervé de Pont-Réal est bien le fils unique et légitime de mon premier mari, le Sire Ludovic de Briancourt, et de sa première épouse, Charlotte d'Allier, ma cousine. Et je déclare en outre que le dit Sire Hervé, disparu à l'âge de 3 ans, est l'héritier des biens, titres et rangs de son père, Christine de Mauvillier. » « Ah ! » fit Roselin radieux, « voilà qui est parfait. Maintenant, hors d'ici !» Belcoeur prenait le bras de la varenne, lorsque Godefroy arriva en courant, levant les bras. « Ah, messire, messire » s'écria-t-il, « Madame de Mauvillier, ma pauvre maîtresse, eh bien, morte !»« Morte ? Elle vient de se tuer. »« La malheureuse !» murmura la varenne, tandis que Roselin, ému malgré tout, murmurait « Le châtiment !» Et les deux gentilshommes quittèrent cette maison fatale où la mort effaçait le crime.